Pour revenir à ce qui a précédé 74, c'est qu'en 68, donc dans 62 à 68, cette immigration dite touristique, ça veut dire que la loi de la double autorisation n'est plus appliquée, ni pour l'employeur qui veut recruter de la main-d'œuvre étrangère, ni pour l'étranger qui, avant de venir en Belgique, doit disposer d'un permis de travail. On met ça en suspens, on dit vous venez comme touriste. Et on régularise sur place après examen médical. Donc en fait, patronat et syndicat décident à partir de 62 de ne pas appliquer la loi, de commun accord pour ne pas faire de concurrence trop grande sur le marché du travail, pour ne pas faire, oui, parce que sinon l'Allemagne passait déjà à une immigration touristique avant nous et on ne voulait pas que les prix de la main-d'œuvre non qualifiée montent plus vite que celle de la main-d'œuvre qualifiée, même si on ne la trouve pas et que donc on ouvre le robinet. Et on fait venir les gens, on accepte, donc que ce soit la police étrangère, les employeurs, les travailleurs, les syndicats, tout le monde se met d'accord en disant, laissez-les venir comme touristes, on prend les meilleurs, et ceux qui savent avoir un permis de travail, enfin un contrat d'embauche, se font régulariser. Et on a régularisé, grosso modo, j'ai fait ça ici, 200 000, quoi. 200 000 travailleurs sont arrivés à cette époque-là comme touristes. Enfin, on les appelle les clandestins, on les appelait les touristes, on régularisait sur place. Avec la montée du chômage en 67, et surtout en 68, panique, certainement les organisations syndicales en disant oui, mais enfin, si on continue à puiser comme ça dans les bassins de main-d'œuvre venant de la Méditerranée, on n'était plus avec le nord de la Méditerranée, mais bien au sud avec l'Espagne, le Maroc et la Turquie, ça risque de faire vachement la concurrence à nos travailleurs. Et donc, ne serait-il pas nécessaire de revenir à la législation de 1936, applicable aussi avant 1962, de la double autorisation aucun employeur ne peut engager un étranger s'il n'a pas reçu une autorisation officielle du ministère du Travail, et aucun étranger ne peut venir travailler en Belgique que s'il n'y est pas accordé pour un employeur bien déterminé, pour une fonction bien déterminée qui doit se trouver sur sa carte de travail. Donc on revient fin 67, début 68 à la application stricte. Et ça veut dire que si Mohamed venait encore travailler au mois d'août 67 comme touriste, eh bien son cousin, à partir du 1er janvier 68, enfin la date il faudrait voir, parce que on voulait l'appliquer fin 67 et on a dû le reporter à 68, eh bien son cousin, Ahmed ou Mustapha, ne serait plus régularisé en 1968. Et donc, mais il continue à arriver évidemment, parce qu'il ne faut pas croire que, enfin, tout citoyen est censé lire le moniteur. Que tout le bassin méditerranéen suivait le moniteur de près. Et que donc, à un certain moment, on ne régularisait plus. Et qu'on se trouvait devant une espèce d'accroissement assez important de gens qui continuaient à travailler, mais qui ont basculé du statut de touriste au statut d'illégaux, de clandestins. Alors qu'à quelques mois près, il n'y avait aucun problème. Et cette situation a duré 3, 4, 5, 6 ans, jusqu'en 74, jusqu'au moment où on a dit non, ce n'est plus possible, parce que aussi ces gens qui avaient un travail régulier pour lequel, dans certaines circonstances, l'employeur payait même la sécurité sociale, etc., ont dit ça c'est terminé, nous demandons notre reconnaissance. C'est sûr qu'à ce moment-là, il y a eu aussi des prises de conscience au-delà des frontières et que ces mouvements de régularisation avaient aussi débuté en France, avec aussi des protestations, etc., et qu'il y avait des connexions, je crois, relativement bonnes de certaines communautés au-delà des frontières.